On va parler des. C'est la semaine des bilans, c'était au football. On a fait lui des Génois d'Allemagne avec Jean-Philippe Caron-Tremblay. Là, on va faire celui des Cougars de Chicoutimi. On sait qu'on a fait pas mal d'entrevues avec les Cougars et on en parle avec Nick Menotti. Salut Nick. Salut Danny. Nick, évidemment, on a fait plusieurs entrevues, mais pas pour avec toi nécessairement, mais avec les joueurs de Joe Dulac. Ils ont bien apprécié l'expérience, hein? Oui, absolument. Absolument. C'était une belle visibilité pour eux. Des jeunes qui sont peut-être un petit peu moins connus, qui ont eu la chance d'avoir un micro puis de faire valoir c'est quoi un étudiant athlète au Cégep de Chicoutimi. Non, c'était très apprécié pour eux. OK. Nick, on va y aller maintenant avec satisfait de la saison? Satisfait, c'est difficile à dire quand on a été éliminé au premier quart des séries. On aurait aimé aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on est satisfait? La réponse est non. Par contre, on n'est pas déçu du travail qui a été fait. On avait une équipe jeune. Défensivement, on était extrêmement jeune. On a quand même un bon noyau de retour l'année prochaine, dont certains de nos meilleurs joueurs. Donc, on prévoit le futur avec enthousiasme. Mais non, un peu de déception de mon côté, puis un peu de déception là, tu sais, du côté de tout le groupe d'entraîneurs, parce qu'on a travaillé fort, puis... On pensait aller un petit peu plus loin. OK. Beaucoup de blessés aussi, je pense, hein? Oui, c'est ce qui nous a tués un petit peu cette année, ouais, hein? C'est les blessés. J'ai perdu mon porteur de ballon au cinquième match, Jimmy Larose-Joubert. Après ça, j'ai perdu Jacob Verret, qui était un de mes meilleurs athlètes offensifs. Donc, plusieurs blessures sont vraiment venues saboter la saison. Là. Ça a été très difficile par certains moments. Le dernier match à Jonquière, on a des joueurs comme William Gosselin, qui n'avait pas vu beaucoup de terrain depuis le début de l'année, qui a très bien fait, qui était notre quatrième porteur de ballon. On lui a mis beaucoup de pression sur les épaules dans les dernières semaines parce que on lui disait, ben oui, c'est toi qui as le ballon, mais tu peux pas te blesser parce qu'il reste plus en arrière de toi. Fait que vraiment, ça a été une saison très, très, très difficile au niveau des blessures, absolument. OK. Ça n'aide pas non plus. Comparativement peut-être à des équipes comme les... Il faut avoir de la profondeur. Là. Vous n'aviez quand même, mais ça reste que c'est des joueurs de première année et de deuxième année. Donc, c'est moins d'expérience et ça nuit aussi. C'est ça. On va y aller maintenant avec... qu'est-ce que ce qui manque pour rattraper les Gaillards? Je pense que la réponse est simple, elle est très complexe. Par contre, je pense que la base de tout ça, c'est du caractère. Okay. Je pense que la base de tout, là, c'est du caractère. À un moment donné, de jouer avec la hanche, puis de jouer pendant 60 minutes. Moi, les joueurs que je veux recruter actuellement, les joueurs qui sont dans ma mire, c'est des joueurs de caractère. C'est des joueurs autant du haut du lac que de Chicoutimi, que dans la région de Québec. C'est des joueurs que j'ai regardé, évalué toute la saison. Que j'ai regardé, je me suis promené, j'étais allé à Québec, je me suis promené partout. Il y a des joueurs que ça fait 2 ans qui sont sur mes listes de recrutement. Donc, il y a des joueurs que j'attends là, dans ce qui s'en vient. Puis, comme je te dis, le caractère, là, ça fait partie vraiment de ce que je recherche là, pour le recrutement, pour pouvoir atteindre les plus hauts sommets au niveau collégial. OK. Et donc, c'est ton recrutement que tu vas faire. Ça va être la priorité avec le talent. Là. Talent ou recrutement, qu'est-ce qu'on vise en premier? Talent ou caractère, ça dit? Moi, là, actuellement, j'ai besoin d'un... Je vais le dire comme ça, j'ai besoin d'un mélange des deux. Okay. Sauf qu'actuellement, si j'ai le choix entre un joueur qui a du caractère, je veux dire, moi, là, tu sais, je peux lui apprendre à jouer. Je peux lui apprendre à jouer, je peux lui apprendre à être un bon technicien de football, je peux lui apprendre à comprendre la game, mais lui apprendre à avoir du caractère, ça, c'est un peu à l'intérieur de nous autres, ça. C'est un peu une motivation intrinsèque. Je veux dire, le jeune qui débarque, qui arrive déjà... Je prends l'exemple, là, on parle de jeunes du Haut-du-Lac. Cette année, j'ai des joueurs qui sont arrivés, là, un gars comme Samuel Bussière, Maxime Guy, qui sont arrivés un peu de nulle part, qui ont été des joueurs très importants dans notre défensive cette année, Mathieu Larouche. Ça, c'est des gars avec du caractère. Les gars du Haut-du-Lac sont reconnus pour avoir du caractère, on va se le dire. Okay. Donc, c'est certain que moi, ce que je recherche là, en ce moment, c'est oui, je veux des bons joueurs de football. Mais j'aimerais ça avoir des joueurs qui ont du chien, qui ont du mordant un peu. Là. OK. Est-ce que, Nick, on va y aller maintenant avec le recrutement. C'est une base très importante du football. Là, tu t'attardes, j'imagine, au recrutement. Oui. Et qu'est-ce que... Est-ce que Jean-Philippe Caron, Tremblay m'a dit que c'est une bonne récolte. Il y a des bons jeunes joueurs recrutés dans le haut du lac. Est-ce que c'est vrai? Hey, absolument. Absolument. Ouais. C'est une des plus belles. C'est une des plus belles cuvées dans le haut du lac depuis quelques années. Là, depuis les Mathieu Tremblay, les Charles-Émile. Puis, tu sais, il y a des bons joueurs là-dedans, là, des joueurs de talent, puis des joueurs de caractère. Autant à Saint-Félicien, il y a des bons joueurs dans le coin d'Alma aussi. Mais oui, c'est vraiment une belle cuvée pour les Centurions Saint-Félicien cette année. Donc, il va y avoir trois collèges qui vont être très agressifs, j'imagine. C'est pas facile, hein? Faut que tu sois vendeur. C'est ça. Mais tu sais, au-delà de vendre puis de vendre notre salade, tu sais, des fois, dans les premières... c'est ça que j'explique souvent aux gens, c'est que souvent, dans les premières lignes de la conversation, ben on peut avoir un match où ça peut arrêter tout de suite. Okay. Parce que je vais te donner un exemple. Moi, c'est quand je parle avec un jeune, puis il me dit, ben moi, mon premier choix, c'est technique policière, puis mon deuxième choix, c'est technique policière. Puis lui, il veut faire technique policière, ben même si le joueur, c'est un joueur que je désire puis qui est très haut sur mes listes, ben je suis obligé d'en faire mon deuil tout de suite. T'sais, c'est... Tandis qu'un jeune qui veut faire technique ambulancière ou qui veut faire une technique en foresterie, ben automatiquement, c'est sûr et certain qu'il va avoir un penchant un petit peu plus vers Chantilly, donc ça va être plus facile de l'attirer comme ça. Sauf qu'on se le cachera pas, c'est difficile avec trois équipes collégiales et très peu de finissants. Là. Je veux dire, on est trois équipes puis on chicane 20-25 joueurs maximum dans Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, donc, c'est sûr que c'est difficile. Mais avec les nouvelles règles de recrutement qui ont été mises en place l'an passé, qui ont commencé cette année. Donc, actuellement, normalement, il n'y a aucun recrutement qui a dû être fait auprès des jeunes de secondaire. Okay. Donc, le recrutement commence lundi. Donc, moi, lundi, je te confirme que lundi, je suis à Saint-Félicien. Ah, okay. Donc, lundi, j'ai commencé déjà. Lundi, c'est la date pour pouvoir y aller. Donc, lundi, je suis déjà en visite à la polyvalente des quatre vents pour aller parler aux finissants de Saint-Félicien du Haut-du-Lac. Puis maintenant, ils ont jusqu'au 1er mars avant de choisir le cégep, mais que, pour la prochaine année. Donc, parle-moi exact. Maintenant, on le fait toujours, c'est toujours un aspect local très important pour moi, les joueurs du Haut-du-Lac. On va commencer... Ben, tiens, commence donc. Maintenant, j'ai tellement fait d'entrevues que je ne sais même plus. Je sais qu'il y a un gars de Normandin, là, Marc-Antoine Jean, c'est ça? Oui, Marc-Antoine Jean, joueur de ligne offensive. Il a été très bon cette année. Je veux dire, il a pris en maturité. Je veux dire, au niveau physique, il s'est entraîné, il a développé, il a changé au niveau physique. Okay. Vraiment, Marc-Antoine, c'est un joueur que... Je veux dire, il avait pas encore joué un jeu avec les Cougars. Puis déjà, je le mettais à des niveaux supérieurs. C'est un talent universitaire, Marc-Antoine. Okay. Il travaille fort, il a tout ce qu'il faut pour aller à l'université. Ça, il n'y a pas de problème. Okay. Il a été un joueur de ligne offensive. Il n'a pas raté beaucoup de jeux cette année. Il a été sur le terrain. Je veux dire, un joueur important, un joueur qui va prendre une grosse place dans les prochaines années. Il reste encore 2 ans avec nous. Ensuite de ça, Samuel Bussière. Ouais. Samuel Bussière a eu une très belle saison aussi. Joueur de ligne défensive. Je l'ai utilisé partout. Je m'en suis servi de toutes les façons possibles. Il y a eu beaucoup de temps de jeu. On s'attendait à ça. On s'attend aussi à un gros hiver de la part de Sam parce que, je veux dire, c'est un monstre physiquement. C'est un monstre vraiment. Il est fort, fort, fort. Donc, on s'attend vraiment à une belle saison de la part de Sam. Okay. Ensuite de ça, j'avais Mathieu Larouche qui s'est blessé l'an passé, qui s'est blessé au deuxième match de la saison. Donc, j'avais pas eu la chance de le voir évoluer. Okay. Je connaissais le jeune parce que je l'avais vu jouer au secondaire. Maintenant, cette année, il nous a donné une grosse, grosse, grosse saison. Vraiment, Mathieu, il a fait partie des joueurs importants à la défensive. Mathieu, c'est un joueur qui est là encore pour 2 ans également. Ensuite de ça, Maxime Gay. Ouais. Maxime Gay, c'est un joueur que j'attendais pas trop, que je connaissais plus ou moins, que j'ai découvert au pré-camp. Kevin Tremblay de Saint-Félicien me le vendait comme un bon petit joueur. J'ai découvert vraiment un bon petit joueur, un joueur avec du caractère. Un plombier qu'on appelle. Ah, exactement. C'est un gars, c'est les unités spéciales. Puis okay. Il est toujours prêt à aller se mettre les deux mains où les autres veulent pas aller. Puis ça, tu sais, c'est mon genre de gars. Tu sais, quand je dis c'est des gars comme ça, un peu que je cherche, que je veux au recrutement, c'est des gars comme ça, là. Des gars qui vont... des plombiers, des gars qui vont aller se mettre le nez ce qu'il faut, puis ils vont faire ce qu'il y en a. Okay. Ça fait pas mal le tour pour les gars du Haut-du-Lac. J'allais dire, ça termine avec Alexandre Voisine, jeune de Dolbeau, qui est à sa deuxième année cette année. Il a pas eu beaucoup de terrain. Il a joué un petit peu, il a joué contre les Gaillards, il a joué, on a essayé de donner du temps le plus possible. C'est lui l'année là, mon carrière est finissant, Raphaël Cyr, donc Raphaël est pas là l'année prochaine. Okay. Donc, actuellement, le ballon est dans les mains d'Alexandre Voisine. Donc, on s'attend de lui un gros hiver et on s'attend de lui une grosse saison l'année prochaine. OK. Puis j'imagine que tu vas aller en France encore, tu vas aller voir du côté européen. Ça risque d'être encore une fois le pain puis le beurre aussi. Là. Il faut que ça passe par là aussi. Oui. Tu vois, moi, t'sais, cette année, j'avais 4 joueurs français dans mon équipe. OK. Donc, moi, j'ai pas cherché à avoir nécessairement un recrutement abusif en France. Maintenant, oui, les portes sont ouvertes en France, donc c'est sûr et certain qu'on va rentrer dedans. J'ai déjà beaucoup de pourparlers avec des jeunes qui sont intéressés à quitter vers le Québec. Donc, des certains joueurs d'impact, on se le cachera pas, là, ils ont des bons joueurs dans là-bas. Et oui, c'est prévu dans les c'est prévu dans le calendrier de recrutement. Là. Est-ce que je vais y aller? Ça, je ne sais pas encore. Okay. De quelle façon on va le faire, mais il y a un recrutement qui est fait en France, ça c'est sûr et certain. Non, c'est clair. Puis là, un carrière, ça risque d'être une priorité parce que tu as un carrière, vraiment. Tu as parlé d'Alexandre Voisine, oui. Mais ça risque d'être vraiment là, une possibilité d'aller chercher un carrière ou même deux carrières. Là. Oui, exact. Mais c'est le but. Le but, c'est d'avoir deux carrières. L'an passé, on a eu deux carrières. L'année d'avant, on avait 4 carrières. Donc, tu sais, d'en avoir 3, c'est quand même difficile au collégial parce que c'est difficile de donner du temps de jeu aux 3. Fait que c'est ça qui devient dur. Donc, le troisième, souvent, on essaie de trouver un joueur qui va être capable de jouer comme receveur ou qui va être capable de nous donner un coup de main peut-être ailleurs. OK. Donc, la priorité, une des priorités, c'est vraiment au niveau du carrière. OK. Ben, Nick, félicitations encore une fois quand même pour ton année. Et aussi, on va se reparler, on va suivre de près pour le recrutement. C'est très important aussi. Donc, si j'ai de quoi, je gêne-toi pas pour le haut du lac. Super, merci beaucoup, Danny. Voilà, Nick Menacci, l'instructeur des Cougars de Chicoutimi.